doucement sur tes rêves ensoleillés. C'est le temps qui passe, emportant avec lui les traces du passé. Tu sens le souffle léger de la mer qui t'enlace, les reflets doux de la lumière qui se déplace, suivant en rythme les mouvements de l'eau en surface, et ces vagues qui viennent nourrir à tes pieds. Seulement sur tes souvenirs d'été. C'est le temps qui passe, effaçant lentement ce qu'on a été. Cette atmosphère douce et salée joue sur tes pensées, est-elle à retrouver ces quelques instantanés qui se sont agrippés aux souvenirs avivés par cette ambiance aux couleurs tendances jaunes et bleutées. C'est le temps qui passe, tout doucement sur ces images mélangées. C'est le temps qui passe, brouillant les traces des bonheurs momentanés. Visualise encore ces séquences enregistrées, ces quelques flashs de la vie aux couleurs du passé. Quand ta mémoire s'efface, faut lutter pour les garder. Le soleil descend sur la mer de Roger. Sur tes rêves ensoleillés, c'est le temps qui passe, emportant avec lui les traces du passé. Tu sens le souffle léger de la mer qui t'enlace, les reflets doux de la lumière qui se détache, suivant en rythme les mouvements de l'eau en surface, et ces vagues qui nourrir à tes pieds.